بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم سنكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من باب استقبال القبلة وذلك في الدرس الثاني والعشرين. Et donc aujourd'hui, nous allons terminer ce qui reste du chapitre lié au fait de se mettre en direction de la Qibla, et cela dans le cours numéro 22. An Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma qal baynama an-nasu bi Quba fi salati as-subh id ja'ahum atin fa qal إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. Selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما qui dit alors que des gens priaient à Quba. Quba, donc la première mosquée qui a été construite en islam. Alors que des gens priaient à Quba, ils accomplissaient la prière du Subh. Alors un individu est venu, il est venu et il a dit, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été fait révélation cette nuit du Coran. C'est-à-dire donc un verset, donc des versets du Coran qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette nuit. Et certes, il lui a été ordonné de se diriger en direction de la Kaaba. Fastaqbiluha, alors mettez-vous en direction de celle-ci. Et leur visage était tourné vers le Shem, ils se sont donc tournés vers la Kaaba. Parce que donc avant, fakana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wal muslimun يتجهون الى جهة البيت المقدس. Et donc avant cela, donc le prophète ainsi que les compagnons après la hijra, ils se dirigeaient vers la maison sainte Beit al-Maqdis, donc en Palestine. ثم تحولت القبلة. Ensuite la Qibla, elle a changé de direction. Ce n'était plus donc la maison sainte, la maison sacrée en Palestine, mais c'était la Kaaba. أخرج البخاري عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. Et donc Al-Bukhari a cité dans son recueil selon Bara ibn Azib qui dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a accompli la prière en direction de Beit al-Maqdis durant 16 ou 17 mois. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم aimait être dirigé vers la Kaaba. فأنزل الله. Alors Allah il a fait descendre sa parole. قد نرى تقلب وجهك في السماء. Nous te voyons tourner ton visage régulièrement vers le ciel. Alors après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé en direction de la Kaaba. Alors les gens sots parmi les gens, et c'est les Yahoud, ils dirent, et donc, qu'est-ce qui leur a détourné de la Qibla, de la direction qu'ils suivaient? Allah tabaraka wa ta'ala donc a répondu en citant leurs paroles, et ensuite il a dit Kul lillahi al-mashriqu wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dit à Allah, appartient l'Est et l'Ouest, il guide qui il veut vers une voie de rectitude. Fadhakara al-ulama min fawa'idi hadith ibn Umar radiallahu anhuma jawazu al-amali bi khabar al-wahid خلافا لمن أنكر ذلك وتمسكوا بقاعدتهم لرد السنة. Les savants disent que parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce hadith, le fait que nous pouvons œuvrer dans notre religion avec une information rapportée par une seule personne. par une seule personne. Ils étaient tous en train de prier dans une direction et une personne est venue pour leur donner une information. Ils ont accepté cette information et ont œuvré avec. Et donc, il est permis d'œuvrer avec l'information apportée par une personne. Contrairement à ce que disent certains, il y a certaines sectes en islam qui vont rejeter des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ba'dul ahzab fil islam yunkiruna ba'da asma wa sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Et pour rejeter ces noms et attributs, lorsqu'ils vont trouver ces noms et ces attributs dans la sunna, ils vont dire le hadith il est faible. Pourquoi il est faible? Rapporté par une personne. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé parfois des compagnons seuls pour aller guider un groupe de personnes, des contrées et autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même nous a transmis le Coran, seul. Et donc, il est important de comprendre que ce genre, beaucoup de personnes vont inventer des règles pour rejeter les textes de la législation. Il faut faire très attention à cela. Et à notre époque, ça existe aussi. Parmi les prédicateurs francophones, ça existe aussi des règles inventées pour juger des hadiths faibles afin que les gens n'y croient pas. Et bien, idnillahi ta'ala, si Allah Azzawajal nous permet le temps, nous donne la force et le temps d'aborder le sujet dans les détails, afin de répondre à ces ambiguïtés, on va le faire, inshallah ta'ala. وكذلك من فوائد هذا الحديث ذكر العلماء أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد البلاغ. Parmi les profits de ce hadith, des leçons, les savants citent que les jugements de la législation ne peuvent être appliqués sur une personne que après que cette personne soit au courant du jugement. Après que la personne soit au courant du jugement. Exemple. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a déjà abordé le sujet une personne qui fornique et qui ne sait pas que la fornication est interdite. Et qui ne sait pas que c'est interdit. Il sort d'une religion, il arrive, se convertit à l'islam, mais il ne sait pas que c'est interdit. Et il dit le cas de cette personne n'est pas comme le cas de la personne qui sait. Le jugement ne s'applique pas ici. Car la personne ne connaissait pas le jugement en islam de son acte. Ça, c'est premièrement. Maintenant, Taïb, une personne qui te dit « Je sais que c'est haram, mais je ne connaissais pas la sentence. » La personne, elle est dans un pays musulman qui applique la charia, elle a forniqué, et lui ont dit « Bon, allez, hop, ta sentence, c'est ça. » Il a dit non, je savais que c'était haram, mais par contre, je ne savais pas que c'était ça la sentence. Alors, est-ce que le jugement s'applique ou pas? Il s'applique ou pas? Oui? Oui, il s'applique. Il s'applique. Parce que les savants, ils disent, il savait que c'était haram. Il savait que c'était interdit, ça suffit. Tu sais que c'est interdit, ça suffit pour ne pas le faire. Maintenant que tu connaisses la sentence ou pas, ça c'est autre chose. Mais par contre, tu savais qu'Allah l'a interdit. D'accord? Et donc ici, les compagnons, eux, lorsqu'ils priaient, ils ne savaient pas que la direction de la Qibla, elle avait changé. Voilà pourquoi il ne leur a pas été demandé de refaire la prière. وَكَذَلِكَ مِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَاحِدِ أَنْ يُكَلِّمَ مَجْمُوعَةً أَوْ فَرْدًا وَهُمْ يُصَلُّونَ لِلْحَاجَةِ. Parmi les leçons de ce hadith, le fait qu'il est permis à un individu de parler, de s'adresser à plusieurs personnes ou à une personne qui prie. Et ce, pour une nécessité. Des personnes, elles prient, il n'y a pas de mal, il y a un besoin, tu as besoin de leur informer, de leur dire quelque chose d'important, tu leur dis. Et ensuite, tu pars. On l'a déjà vu ici dans la mosquée, après, il ne faut pas te dire « Ah, mais pourquoi tu m'as parlé pendant la salat, etc. etc. » Il y a énormément d'exemples des compagnons où cela s'est produit avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Et donc il n'y a aucun mal à cela. Wa dhakara al-ulama anna man taharra al-qibla wa sa'ala an-nas fa lam na'am fa salla ثم تبين له أنه أخطأ في جهة القبلة فإنه لا يعيد الصلاة لأنه فعل ما استطاع والله تبارك وتعالى قال واتقوا الله ما استطعتم. Les savants disent que celui qui cherche la direction de la Qibla, et il a demandé aux gens, il s'est renseigné. Et ensuite, après avoir prié, il s'est rendu compte que la Qibla n'était pas celle, la direction dans laquelle il a prié. Alors à ce moment-là, les savants ils disent, donc il a trompé, mais il ne lui est pas imposé, il ne lui incombe pas de recommencer la salat. Parce qu'il a fait ce qu'il pouvait. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit Wattakullaha mastata'tum. Craignez Allah en fonction de vos capacités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Si je vous ordonne de faire quelque chose, alors faites-le en fonction de vos capacités. Eux, ils ont fait en fonction de leurs capacités. Amma idha kana ash-shakhsu mufarritan. مفرطاً في البحث عن القبلة كمن يأتي في بلد ولا يسأل الناس مثلاً فهذا يجب عليه أن يعيد الصلاة. Par contre, ils disent que celui qui est négligent dans la recherche de la Qibla, il ne demande pas aux gens. Il dit, ah, je pense que, ouais, bon, j'ai vu le soleil, je pense que c'est comme ça, allez hop, je prie. Il prie, et ensuite, après avoir prié, on lui dit, mais c'était pas ça la Qibla. Alors celui-là, il refait la salat. Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, même si le temps de la prière, il est terminé. Le temps de la prière, il est terminé, on est passé à une autre prière, tu refais cette salat. Parce que tu as été négligent, tu devais demander aux gens. C'est important. Combien de fois ça nous arrive, on arrive, et souvent quand on fait confiance au téléphone, 100% confiance absolue. On est là, ils sont là, ils font les petits 8 avec le téléphone, comme ça. C'est bon, la Qibla. Confiance absolue. Et après, il était dans un pays musulman, demande aux gens. Les gens, ils vivent là tous les jours, ils voient la Qibla. Demande. Tu peux utiliser ça et ça, alhamdoulilah, afin que tu sois sûr de savoir dans quelle direction tu pries. Al-hadith al-thalith wal-akhir fi hadha al-bab. Donc, le troisième et dernier hadith dans ce chapitre. An Anas. ابن عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حينما قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. Et donc selon Anas ibn Sayrin qui dit, et donc lui c'était un élève de Anas ibn Malik radiallahu anhu, il dit nous avons accueilli Anas radiallahu anhu, lorsqu'il rentrait du Shem. Et nous l'avons rencontré à Ayn al-Tamr. C'est une ville, près de l'Irak. Fara'aytuhu yusalli ala himar wa wajhuhu min dhal janib ya'ni an yasar al-qibla. Et j'ai vu Anas prier sur un âne avec le visage qui était à gauche de la Qibla. Et donc son visage était tourné vers la gauche de la Qibla. Fakultu ra'aytuka tusalli li ghayri al-qibla. Et donc Anas, il dit à Anas ibn Malik, je t'ai vu prier dans une autre direction que celle de la Qibla. Faqala law anni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu, law la anni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu ma fa'altuhu. Anas ibn Malik a répondu en disant, si je n'avais pas vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le faire, je ne l'aurais pas fait. Ra'ayna sabiqan jawaz at-tanafful 'ala ad-dabbati ila ghayri al-qibla. Nous avons vu précédemment la permission quant au fait d'accomplir des prières surérogatoires sur la monture dans une autre direction que la Qibla. D'accord, on l'a vu précédemment. Donc on peut le faire à Vilouy. Oui? Non? On peut le faire ici à Villerue. Hein? Voilà, on avait spécifié un voyage. Vous ici, vous ne le faites pas à Villerue. Inch'Allah ta'ala. Et donc, c'est spécifié en voyage. D'accord? On l'avait bien précisé, c'est pour ceux qui sont voyageurs. Wa fi hadha al-hadith su'alu at-tilmidhi shaykhahu 'an dalilihi idha ra'ahu yaf'alu shay'an aw sami'ahu yaqulu qawlan. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis à l'élève de demander à son enseignant, à son cheikh, sa preuve lorsqu'il le voit faire quelque chose ou qu'il l'entend dire quelque chose. Wa hadha huwa al-ma'ruf an salafi al-ummah annahum la yata'assabuna lil-ashyakh. Et c'est ce qui est connu des pieux prédécesseurs de cette communauté, le fait qu'ils ne suivent pas aveuglément leurs enseignants, les ashyakh. Khilafan liman nara fi hadhihi al-ayyam tara ash-shaykh yartakib al-ma'asi al-kabira wal-adba' yarawnaha ta'ah. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, les gens, ils voient aujourd'hui, ils voient leurs enseignants, leurs cheikh accomplir de grands péchés, et eux, ils voient que c'est un acte d'obéissance envers Allah Azza wa Jal. Le suivi aveugle total. Total. Demande à ton cheikh. Demande à ton cheikh, ya cheikh, quelle est ta preuve dans ce que tu as dit, dans ce que tu as fait? Quelle est ta preuve? Il n'y a aucun mal à ça, et ça, c'est la voix de nos pieux prédécesseurs. C'est la voix de nos pieux prédécesseurs, comme on peut le voir, comme on vient de le voir. Et ce n'est pas un manque de respect envers ton cheikh. Ce n'est pas un manque de respect que de venir dire quelle est la preuve. Ah, mais tu sais qui je suis pour me demander la preuve. Tu sais qui je suis pour me demander la preuve. Ça n'existe pas, ça. Le bon comportement envers ton cheikh, c'est de lui demander la preuve. Au contraire, et ta'assubulu lahu su'u adabin ma'a. Le fait de le suivre aveuglément, c'est un mauvais comportement envers lui. Parce que le bon comportement, c'est que tu lui demandes la preuve. Et s'il s'est trompé, tu bayyin lahu al-khata. Tu lui montres son erreur. Wa kadhalika fil hadith, anna shaykha yujibu mukhbiran bid-dalil. Et aussi, donc, dans ce hadith, il y a le fait que le cheikh, l'enseignant, lorsqu'on lui pose cette question, il répond en donnant la preuve. Il ne s'en prend pas d'orgueil. Il ne s'en prend pas d'orgueil. Il répond en donnant la preuve. Wa akhiran. Et pour finir, fil hadith, أن العبادة توقيفية وأن الإنسان لا يعبد الله على جهل. Il y a dans ce hadith le fait que l'adoration est tawqifiyya, c'est-à-dire qu'elle nécessite impérativement une preuve. Et que la personne n'adore pas Allah Azza wa Jal dans l'ignorance. Tu n'adores pas, tu ne sais pas si le prophète il priait comme ça, ou s'il faisait comme ça, et ensuite toi tu viens, tu fais. Pourquoi? Parce que tu as vu les gens faire. Les gens, ils ont fait et donc je fais. Non, il faut que tu te renseignes. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait comme ça? Elle est où la preuve dans ce hadith? Elle est où la preuve? La parole de Anas. Si je n'avais pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faire, je ne l'aurais pas fait. Et donc toi, tu n'es pas au courant que le prophète, il faisait quelque chose, ne le fais pas. C'est comme ça l'adoration. Il faut que tu saches si ce que tu fais est légiféré avant de le faire. Ça, c'est concernant l'adoration. Concernant les sujets mondains, c'est autre chose. Tu vas acheter du jus, tu ne vas pas te demander est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a acheté du jus. Non, les sujets mondains, la base, c'est la licéité. C'est le fait que c'est permis, sauf s'il y a une preuve qui montre le contraire. Dans l'adoration, c'est le contraire. C'est que la base, c'est que tout ce que tu fais, c'est interdit. Sauf s'il y a une preuve qui montre que ce que tu fais, c'est permis. Et donc, il faut que tu apprennes comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il priait. Et c'est ça qu'on fait, inshallah ta'ala, petit à petit. On demande à Allah, azza wa jal, qu'il nous accorde la réussite dans ce, qu'il nous, dans ce que nous entreprenons. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et demain, inshallah ta'ala, on commence le chapitre concernant les rangs soufouf, les rangs dans la prière, inshallah. Jazakumullah khairan.